Première partie, enfance de Jeanne. La mère Nanette. Il y avait dans un bourg du département du Cher une bonne veuve âgée de 60 ans qu'on appelait la mère Nanette. Elle possédait une petite maison avec une petite chènevière et un jardin planté de pommiers, de pruniers et de groseilliers. Du côté du chemin, un gros noyer, qui avait plus de 100 ans, ombrageait le devant de sa porte. Quand les fleurs de cet arbre ne gelaient pas au printemps, il donnait assez de noix à la mère Nanette pour qu'elle eût sa provision d'huile l'année suivante. S'il se faisait deux bonnes récoltes de suite, elle vendait une partie des noix, ce qui lui donnait un petit profit. Quoiqu'elle possédât une vigne et un beau morceau de terre, elle n'avait que bien juste ce qu'il lui fallait pour vivre. Elle semait du froment 2 années de suite dans son champ, qui, la troisième, rapportait alternativement du trèfle et des pommes de terre. Elle récoltait assez de blé pour se nourrir pendant les 3 ans. Mais si l'année était mauvaise, la mère Nanette vendait la pièce de toile qu'elle avait fait faire avec le chanvre amassé et filé pendant 4 ans. L'argent qu'elle en retirait lui servait à compléter sa provision de blé, et malgré tout cela, elle pâtissait bien un peu l'hiver. Pour que la terre rapporte chaque année sans se reposer, il faut beaucoup de fumier. La mère Nanette, qui le savait bien, avait une vache et une chèvre qu'elle menait paître sur les communaux et le long des haies. Avec leur lait, elle faisait du beurre et des fromages, qu'elle vendait à la ville voisine. Quand ces bêtes étaient rentrées à l'étable, elle allait chercher pour elles de l'herbe dans les champs et au bord des ruisseaux. Comme elle les tenait bien proprement, elles étaient en bon état. L'hiver, elle mangeait ou du trèfle qui avait été rentré bien sec, ou du regain récolté après la fauche des grands foins. La mère Nanette vendait son vin et ne buvait que sa boisson, eau passée sur la râpe ou le marc de la vendange. Mais comme l'argent qu'elle tirait de son vin suffisait bien juste, avec celui de son beurre et de ses fromages, à payer l'impôt et les façons de son champ et de sa vigne, et qu'il lui fallait encore se procurer quelque argent pour son entretien, elle élevait des oisons qu'elle achetait au sortir de la coque. Elle se donnait beaucoup de mal pour appâter ses petites bêtes et pour les garantir du froid pendant la nuit. Ses voisines plumaient leurs oies 4 fois avant de les vendre, mais la mère Nanette disait que c'était une mauvaise méthode, parce qu'ainsi la plume n'avait pas le temps de se nourrir, et elle ne plumait les siennes que 3 fois. Puis elle en vendait la moitié pour la Toussaint et l'autre moitié à Noël. Tout cela ne lui rapportait pas une grosse somme, mais elle était si ménagère qu'il lui restait toujours un peu d'argent à la fin de l'année. Pourtant, elle ne se nourrissait pas trop mal, disant qu'elle aimait mieux donner au boucher une pièce de 50 centimes toutes les semaines que 25 francs par an aux médecins et aux pharmaciens. Catherine et Jeanne. Un matin, la mère Nanette, tricotant devant sa porte, vit venir à elle une jeune femme qui tenait par la main une petite fille de 7 à 8 ans et qui lui demanda un morceau de pain. Comme cette femme était très pâle et avait l'air malade, la mère Nanette l'emmena dans sa maison et la fit asseoir. Elle ralluma son feu, fit réchauffer un reste de soupe qu'elle avait gardé pour son repas du soir et le donna aux deux mendiantes. L'enfant mangea de si bon cœur que la mère Nanette vit bien que cette petite fille n'avait pas souvent si bonne chance. Ensuite, elle leur versa un verre de boisson à chacune et dit à la pauvre femme « Mon Dieu, il faut qu'il vous soit arrivé un bien grand malheur pour qu'une femme aussi jeune que vous ait pu se décider à demander son pain. Oh oui, un bien grand malheur, ma chère femme. Il faut se trouver dépourvu de toute ressource pour se résoudre à en venir là. J'ai bien souffert de la faim avant de pouvoir me décider à tendre la main. Je crois que je me serais plutôt laissé mourir si je n'avais la crainte de Dieu et si je n'aimais tant cette pauvre innocente que voilà et qui serait morte aussi. Quand il m'en coûte trop pour aller demander, je la regarde et je reprends courage. C'est bien triste, allez, ma chère femme, quand on a du cœur, de vivre en ne faisant rien, aux dépens de ceux qui travaillent. Mais je ne peux pas faire autrement. Pourquoi donc ? Dit la mère Nanette. Comptez-moi ça. La pauvre femme dit à la mère Nanette. Je suis du village qui est auprès du Cher, à 3 lieues d'ici. Il y a 2 mois, j'ai perdu mon mari à la suite d'une grosse maladie qui l'a retenu au lit pendant bien longtemps. J'ai vendu tout ce que j'avais afin de pouvoir le soigner. quand il n'y a plus rien eu à la maison, que le lit sur lequel il était couché, il a bien fallu s'endetter. Après sa mort, on a vendu la maison, le jardin, la chènevière, enfin tout, pour payer le médecin et les autres, et je ne sais plus où me retirer. On ne veut pas me louer même une petite chambre, parce que je n'ai pas de mobilier pour répondre du loyer. Je couche avec ma petite Jeanne dans les granges, quand on veut bien m'y souffrir, ou bien sur les tas de chaumes. C'est bon à présent qu'il fait chaud, mais plus tard, comment faire avec cet enfant, moi à qui le médecin a défendu de sortir pendant tout l'hiver ? Et la pauvre malheureuse se mit à pleurer. Sa petite fille pleura aussi en l'embrassant. Elle avait l'air si doux et si aimable, cette petite, que la mère Nanette sentit fondre son cœur en pensant à la misère qu'elle endurerait quand l'hiver serait venu. Aussitôt, il lui vint dans l'idée de faire une bonne action. La mère Nanette donne asile à Catherine. « Comment vous appelez-vous donc ? » demanda la mère Nanette. « On m'appelle Catherine Leblanc. » « Eh bien, Catherine, j'ai là un vieux lit, une paillasse et une couverture. Si vous voulez rester ici, je vous logerai de bien bon cœur et je vous soignerai de mon mieux, ainsi que votre petite. J'aime beaucoup les enfants, j'en ai quatre, que le bon Dieu m'a retiré et je suis bien seul au monde. Grand merci, ma brave femme, vous me rendrez là un service qui nous sauvera la vie à moi et à mon enfant. J'ai encore mon lit avec un coffre et une petite chaise. Maître Guillaume, le cousin de feu, mon pauvre homme, me les garde dans sa grange. Il me les apportera bien dimanche. Si vous me logez avec mon chétif mobilier, je vous donnerai les sous que je ramasserai en allant aux portes. Je ne vous demande rien, Catherine. J'aime déjà votre petite Jeanne et j'en aurai bien soin. Dieu veut que nous fassions aux autres ce que nous voudrions que les autres fissent pour nous. Et si j'étais dans votre position, je serais bien heureuse de trouver quelqu'un qui voulût me recevoir dans sa maison. » Catherine était bien contente, et sa petite fille lui sauta au cou. « Maman, il ne faut plus pleurer, lui dit-elle. » Puis se tournant du côté de la mère Nanette, elle dit en baissant la tête, « Je voudrais bien vous embrasser aussi. » La mère Nanette la prit sur ses genoux et l'embrassa de bon cœur. Catherine et Jeanne trouvent un bracelet. Après que la mère et la fille se furent reposées, elles se remirent en chemin pour aller chercher leur pain dans la campagne, en disant qu'elles reviendraient le soir. Comme on était dans la saison des prunes et des groseilles, la mère Nanette en alla cueillir au jardin et les mit dans le bissac de Jeanne, pour qu'elle pût se rafraîchir quand elle aurait trop chaud. Comme elles traversaient la grande route pour revenir chez la mère Nanette, après avoir achevé leur tournée, la petite Jeanne vit briller un objet au soleil. Elle courut le ramasser et l'apporta joyeusement à sa mère. « Voyez donc, maman, le joli collier que j'ai trouvé. Je le mettrai dimanche à mon cou. »« Ma fille, ceci est un bijou qui se porte autour du bras et qu'on appelle bracelet. Il n'est pas à nous et nous ne pouvons pas le garder. »« Pourquoi donc, maman, puisque je l'ai trouvé, c'est bien à nous ?»« Non, ma fille, ce qu'on trouve ne nous appartient pas. Il y a toujours quelqu'un qui l'a perdu. »« Mais maman, si personne ne l'a perdu ?» « Ce n'est pas possible, mon enfant. Les bijoux ne poussent pas comme l'herbe dans les champs. »« Et si personne ne le redemande ?»« Ça ne doit pas nous empêcher de chercher à qui ce bracelet peut appartenir. Nous nous en informerons dans tout le pays. »« Et s'il n'est à personne ?»« Eh bien, nous le garderons soigneusement, et l'on finira par venir le réclamer. » Jeanne, ne paraissant pas très contente, sa mère lui dit, « Écoute-moi, ma Jeanne, si tu avais perdu ton bissac en chemin, ne serais-tu pas contente qu'on te le rendît ?» « Oui, maman, car il m'est bien utile pour mettre le pain qu'on me donne. »« Eh bien, la dame qui a perdu ce joyau en est en peine. Elle le regrette comme tu regretterais ton bissac. Dès que nous saurons où elle demeure, nous le lui rapporterons. » Quand elles furent rentrées chez la mère Nanette, elles lui montrèrent ce qu'elles avaient trouvé et lui demandèrent si elle savait qui pouvait avoir perdu un si beau bijou. « Ça ne peut être que Madame Dumont. Il n'y a qu'elle dans le pays qui porte des choses pareilles. » Elle demeure dans le voisinage derrière les beaux arbres que l'on voit d'ici. Il faut aller le lui reporter tout de suite, si vous n'êtes point trop lasse. Suis sûr qu'elle en est fort inquiète. Je suis trop fatigué pour marcher encore, mais demain matin j'irai chez cette dame avec Jeanne, et je lui rendrai ce qui est à elle. Comme on nous a beaucoup donné aujourd'hui et que je suis très lasse, je me reposerai demain toute la journée pour avoir la force d'aller samedi dans notre village, « Priez Maître Guillaume de m'apporter mon lit. » Catherine et sa fille rapportent le bracelet. Le lendemain matin, Catherine peigna les grands cheveux noirs de sa petite fille avec encore plus de soin qu'à l'ordinaire. Elle lui lava le visage et les mains, l'habilla le plus proprement qu'elle le put, et elles partirent pour aller chez Madame Dumont. Elles arrivèrent devant une grille qui servait de porte à un beau jardin. Mais comme il n'y avait personne, Catherine suivit le mur et vit une grande porte qui donnait dans la cour et qui était ouverte. Une servante qui l'aperçut lui apporta un morceau de pain et deux sous. « Merci, mademoiselle, dit Catherine, mais je voudrais parler à votre dame. Ma pauvre femme, on ne peut guère la voir à cette heure-ci. Eh bien, voulez-vous lui demander si c'est elle qui a perdu ce que j'ai trouvé hier sur la grande route ?» Et elle montra le bijou qu'elle avait enveloppé d'un chiffon bien blanc. « Justement, c'est le bracelet que madame a perdu hier en se promenant avec les enfants. Elle va être bien contente de le retrouver, car nous l'avons cherché jusqu'à la nuit. Je vais le lui porter. En attendant, ma brave femme, asseyez-vous sur le banc. Petite, viens avec moi. Tu rendras toi-même le bracelet à madame. » La petite Jeanne regarda sa mère qui lui dit « Va, ma fille, et sois bien honnête. » Madame Dumont. La servante prit Jeanne par la main et la fit entrer dans la maison. Elles montèrent un grand escalier et traversèrent une chambre pleine de beaux meubles. Jeanne ouvrait de grands yeux, car elle n'avait jamais rien vu de semblable. Elles entrèrent dans une autre chambre où il y avait deux lits tout blancs. Madame Dumont était occupée à peigner les cheveux blonds d'une petite demoiselle qui était de l'âge de Jeanne, et qui se mit à dire « Ah, maman, la jolie petite fille, voyez donc !» Madame Dumont leva les yeux et sa servante lui dit « Cet enfant a trouvé le bracelet de madame et vient le lui rapporter. » « Allons, petite, avance donc, madame est bien bonne, n'aie pas peur. » Jeanne se laissa mener par la servante, en tenant la tête baissée et sans oser seulement lever les yeux. La dame lui dit « Tu ne sais pas tout le plaisir que tu me fais, mon enfant, en me rapportant ce bracelet. Qui es-tu donc ?» Comme Jeanne ne disait rien, la servante répondit pour elle « Madame, sa mère est en bas à la porte. C'est une pauvre femme qui demande son pain. Je descendrai la voir. » Aussitôt que j'aurai relevé les cheveux d'Isaure. Madeleine, s'écria la petite demoiselle blonde, j'espère que tu ne diras plus que le vendredi est un jour de malheur. Tu vois bien que l'on peut être heureux ce jour-là, tout comme un autre. Et je ne veux pas qu'il n'y ait de bonheur que pour moi aujourd'hui, ajouta Madame Dumont. Cette pauvre femme sera bien récompensée. Madame Dumont descendit alors, suivie d'Isaure et de la servante, qui tenait toujours Jeanne par la main. Quand elle fut arrivée au bas de l'escalier, elle appela Catherine, et la voyant si pâle, elle la fit asseoir. « Où avez-vous donc trouvé mon bracelet ?»« Madame, c'est Jeanne, ma petite fille, qui l'a vu reluire au soleil, et qui l'a ramassé au bord du fossé sur la route. »« Je vous remercie de me l'avoir rapporté, et voici 15 francs pour vous récompenser de votre probité. »« Oh, merci, madame. Je n'ai fait que mon devoir en vous rendant ce qui vous appartient. Je ne dois pas en être récompensé. »« Eh bien !» Comme vous m'avez fait un grand plaisir, je veux vous en faire un aussi. Prenez donc cet argent. Que Dieu vous bénisse, madame, pour le bien que vous me faites. Mais dites-moi, il me semble que je ne vous ai jamais vu dans ce pays-ci. Pourquoi mendiez-vous donc, étant encore dans la force de l'âge? C'est que, madame, j'y suis forcée par ma grande misère. Alors elle raconta son malheur et la charité de la mère Nanette. Catherine, vous enverrez votre petite fille ici tous les vendredis, et je lui donnerai une pièce de 50 centimes. Que Dieu vous récompense, madame. Et Catherine, ayant pris sa fille par la main, sortit pour retourner chez la mère Nanette. En entrant, elle lui présenta les 3 pièces de 5 francs qu'on lui avait données. Prenez-les, mère Nanette, ça vous dédommagera un peu, car il n'est pas juste que vous me logiez pour rien si je puis vous donner quelque chose. « Vous savez bien, Catherine, que je ne veux rien accepter pour cela. Ce n'est pas une grande gêne pour moi de vous avoir dans ma maison. Qui peut nous loger toutes les deux ?»« Mon feu peut faire bouillir votre peau en même temps que le mien. Mais donnez-moi votre argent, je vous le garderai pour acheter ce qui vous sera nécessaire. » Catherine va dans son village. Après s'être reposée tout le reste de la journée, Catherine se coucha de bonne heure. Le lendemain, elle éveilla Jeanne de bon matin. Elle l'habilla et lui lava les mains et le visage. Puis, après lui avoir fait sa prière, elle lui dit « Ma fille, il faut que j'aille à un autre village pour prier Maître Guillaume de m'amener ici notre pauvre mobilier. Je ne peux pas t'emmener, tu es trop petite pour faire tant de chemin. Tu ne marcherais pas pendant 3 lieues de suite. Si la mère Nanette, qui est une brave femme, veut bien te garder avec elle pendant ce temps-là, j'irai trouver Maître Guillaume et tu m'attendras ici. Je coucherai dans sa grange et demain de bonne heure, je serai de retour. » La petite Jeanne pleura un peu, mais quand elle eut considéré la bonne figure de la mère Nanette, elle dit qu'elle voulait bien rester. Catherine partit et Jeanne, s'approchant tout doucement de la mère Nanette, lui dit « Voulez-vous m'emmener au champ avec vous? Je garderai bien les oiseaux. » « Oui, ma Jeanne, je ne demande pas mieux. » Après l'avoir fait déjeuner avec elle, la mère Nanette amena les oiseaux sous le noyer et Jeanne les garda pendant que la vieille femme détachait sa vache et sa chèvre. Cette petite s'entendait si bien à conduire les oies et à les empêcher de faire du dommage que la mère Nanette en était tout étonnée. Vers les 10 heures, comme il commençait à faire chaud, elle fit rentrer les bêtes, qui ne voulaient plus manger dehors parce qu'elles étaient tourmentées par les mouches. Jeanne voulut ensuite aller à l'herbe. Elle en ramassa un bon petit paquet, qu'elle lia dans son tablier, et elle le posa sur sa tête en le maintenant avec ses deux petites mains pour le rapporter à la maison. La mère Nanette lui donna des prunes pour son goûter. Et quand la chaleur fut tombée, elles firent sortir encore les bestiaux, et ne les ramenèrent qu'à la brune, en passant par l'abreuvoir. On leur donna pour la nuit une grande partie de l'herbe qui avait été ramassée. La mère Nanette fit une bonne soupe aux pommes de terre, et Jeanne, qui n'était pas habituée à en avoir de pareilles, en mangea une grande assiettée. Puis elle se coucha. L'enfant était bien un peu lasse, mais très contente d'avoir aidé la mère Nanette. La mère Nanette mène Jeanne à la messe. Le lendemain, en s'éveillant, la petite Jeanne appela sa mère. Puis, se souvenant qu'elle n'était pas là, elle se leva, s'habilla et pria la mère Nanette de la laver et de la peigner, comme faisait Catherine. Ensuite, elle se mit à genoux et fit sa prière. « Quelle prière sais-tu ? » lui demanda la mère Nanette. « Je sais notre Père et je vous salue Marie. Dis-les donc tout haut. » Jeanne les récita sans en manquer un mot. Quand elle eut fini, comme elle restait encore à genoux, la mère Nanette lui demanda « Que dis-tu donc encore ? » « Je demande au bon Dieu d'avoir pitié de nous et de bénir tous ceux qui nous assistent. Je dis votre nom le premier et celui de Madame Dumont après. » « Maman me l'a fait dire comme cela hier. » La messe sonna et la mère Nanette prit ses beaux habits. Elle regarda la petite Jeanne et lui voyant un fichu tout déchiré, elle lui en mit un des siens. Puis elles partirent pour l'église, emportant chacune sa chaise. Pendant toute la messe, Jeanne tint un chapelet que lui avait prêté la mère Nanette et dit ses prières. Elle ne tourna point la tête pour voir qui entrait ni qui sortait. Elle se mettait à genoux en même temps que tout le monde et se relevait comme les autres. Monsieur le curé, après la messe, demanda à la mère Nanette où elle avait pris cet enfant-là. Alors elle lui raconta l'histoire de Catherine. « Mère Nanette, vous êtes une digne femme, lui dit-il. La parole de Dieu n'est pas perdue pour vous. » Retour de Catherine. Vers midi, l'on vit venir Maître Guillaume dans une charrette attelée d'un bel âne brun. Il s'arrêta devant la porte de la mère Nanette et fit descendre Catherine, qui fut bien contente de revoir sa petite Jeanne qu'elle n'avait jamais quittée auparavant. Elle détela l'âne, la mère Nanette le prit par le licou pour l'attacher dans l'étable à côté de sa vache. Puis elle remplit leur atelier de bons trèfles et revint aider Guillaume à descendre le coffre et le lit de Catherine. Ce lit avait des rideaux de toile rayée et une paillasse que Guillaume avait remplie de paille fraîche, en souvenir de son amitié pour son parent, l'homme des fins de Catherine. Il y avait aussi une petite chaise. On monta le ciel du lit dans un coin de la chambre qui était fort grande. On mit le chalet dessous et le coffre au pied du lit. « À présent que tout est en place, vous allez goûter avec nous, Maître Guillaume, » dit la mère Nanette. « J'ai fait une bonne fricassée de pommes de terre nouvelles que j'ai accommodées avec mon beurre tout frais. J'ai aussi cueilli une salade dans mon jardin, et nous l'assaisonnerons avec l'huile de mon noyer. Mon pain n'a que 4 jours, et mes pruniers, sans les vanter, donnent d'excellentes prunes. » En disant cela, elle alla au cellier avec la petite Jeanne, et en rapporta du vin bien rouge, qui écumait tout autour de la gueule du broc. « Voyez-vous, maître Guillaume, dit-elle en posant le vase sur la table, j'ai toujours un carteau de bon vin en Perse. Si quelque voisin reçoit un mauvais coup, je lui emporte un peu. Quand un malade en convalescence n'a pas de vin pour se refaire, je lui en donne aussi longtemps qu'il en a besoin. Et tous les dimanches, j'en donne aussi une chopine au père Bonnet, le vieux pauvre du bourg. Ça le réchauffe, le cher homme, qui aura 80 ans à Noël prochain. Pour moi, je n'en bois guère que lorsque j'ai du monde comme aujourd'hui. » L'on se mit à table et l'on mangea les pommes de terre, qui étaient excellentes. Maître Guillaume, remplissant son verre jusqu'au bord, se leva, ôta son chapeau et dit « Je bois à la santé de la mère Nanette, qui a compassion du pauvre monde. » Quand on eut fini, la mère Nanette tira un bon seau d'eau fraîche pour faire boire l'âne de maître Guillaume. Il l'attela et s'en retourna chez lui. Catherine va à la porte de monsieur le curé. Après le départ de maître Guillaume, Catherine prit sa fille par la main et lui donna son bissac. Elles firent une tournée dans le bourg et dans les métairies des environs. En passant, elles s'arrêtèrent devant la porte de monsieur le curé, qui les fit entrer. « Ma bonne femme, dit-il à Catherine, pourquoi ne placez-vous pas cet enfant chez quelque cultivateur, qui l'enverrait au champ garder les bestiaux ? Elle y serait plus heureuse qu'elle ne peut l'être avec vous, et elle ne s'accoutumerait pas à mendier. Prenez garde, vous en ferez une fainéante. Monsieur le curé, il y a longtemps que j'y ai pensé, et je vous assure que c'est un grand chagrin pour moi que de la voir aller aux portes. Il y a même des jours où il ne peut s'y décider. Mais je suis si faible, si malade, que je ne pourrais sortir de tout l'hiver. Pourquoi donc cela ? C'est que les médecins l'ont défendu, parce qu'ils disent que j'ai les poumons attaqués. Je tousse beaucoup et je suis incapable de travailler. Si Jeanne ne va pas demander du pain pour moi, il faudra donc mourir de faim. Mais soyez tranquille, monsieur le curé, je placerai ma petite Jeanne chez d'honnêtes gens, aussitôt que je le pourrai. Ça me peine bien trop de mendier à mon âge, pour vouloir que ma fille en fasse autant. Vous avez raison, ma brave femme, nous verrons dans quelque temps ce qu'on pourra faire pour vous. En attendant, vous viendrez tous les dimanches ici chercher 25 centimes. Grand merci, monsieur le curé. Ces 25 centimes-là, avec les 50 que me donne madame Dumont, serviront à nous acheter quelque chose pour nous habiller, car j'ai honte de nos guenilles. » La mère Nanette fait la lessive. 2 jours après, la mère Nanette dit qu'elle allait faire la lessive. Catherine lui proposa de l'entasser pendant qu'elle mènerait ses bêtes au champ. La petite Jeanne alla toute seule aux portes. Elle eut bien de la peine à s'y décider. Mais quand sa mère lui eut fait comprendre que si elle ne l'accompagnait pas, c'était pour rendre service à la mère Nanette, la petite partit sans rien dire. Elle rentra le soir bien joyeuse, parce qu'elle rapportait beaucoup de pain et une paire de sabots presque neufs qu'une femme lui avait donnés. Elle les avait mis tout de suite à ses pieds, car les siens étaient tout percés. En passant auprès de l'abreuvoir, elle s'était arrêtée pour regarder un homme qui l'avait déradi et en faisait de petits paquets. Il lui avait dit « En veux-tu, petite, que tu les regardes si bien ?» Jeanne baissa la tête et ne dit rien, car elle n'était pas hardie. « Allons, lui dit l'homme, tends ton tablier. » Et il lui en jeta une bonne poignée. La petite Jeanne le remercia et fut bien contente. La mère Nanette lui donna du sel pour manger ses radis, et elle fit un bon souper ainsi que sa mère. Catherine dit à la mère Nanette « Je chaufferai votre lessive demain et je vous aiderai à la laver après-demain. On a beaucoup donné à Jeanne. Elle ira à l'herbe et conduira les oisons au champ. Cela vous fera gagner du temps et vous pourrez travailler un peu. » La petite Jeanne va chez madame Dumont. Le vendredi, Jeanne, en s'éveillant, dit à sa mère « C'est aujourd'hui que nous devons aller chez la dame chercher les 50 centimes. Nous irons, n'est-ce pas, maman ?»« Ma fille, tu iras toute seule, car il faut que j'aie de la mère Nanette à laver son linge. Tu vas même y aller ce matin, afin de mener les oisons et la chèvre au champ quand tu seras revenue. » Maman, jamais je n'oserais entrer toute seule dans cette belle maison. Pourquoi donc, ma Jeanne? Cette dame est si bonne que tu ne dois pas craindre de lui parler. Je vais t'habiller le plus proprement que je le pourrai. Trouveras-tu bien la maison? Oh oui, je suivrai le ruisseau jusqu'au moulin et j'y arriverai tout droit. En partant, Jeanne prit un bâton pour se défendre contre les chiens qu'elle pourrait rencontrer. Elle arriva devant la grille du jardin et vit sous un berceau de chèvrefeuille monsieur et madame Dumont qui déjeunaient avec leurs enfants. Ce fut Isaure, la petite demoiselle aux cheveux blonds, qui vit Jeanne la première. « Maman, voici la jolie petite fille qui a rapporté le bracelet. » Et elle se leva pour aller lui ouvrir la grille. Mais son frère Auguste, qui avait déjà 13 ans, courut plus vite qu'elle et fit entrer Jeanne. « Tu viens chercher les 50 centimes ?» dit Isaure, qui n'était pas plus grande que Jeanne. Puis, avec la permission de sa mère, elle prit un gros morceau d'une tarte aux prunes qui était sur la table et le lui mit dans la main. « Mange, petite, c'est bien bon. » Jeanne prit la tarte, mais elle n'y toucha pas. « Tu n'as donc pas faim ?»« Si fait, mademoiselle, je n'ai pas encore déjeuné. »« Tu n'aimes peut-être pas la tarte ?»« Je ne sais pas, je n'en ai jamais mangé, mais elle sent bien bon. Je crois que c'est encore meilleur que la galette. »« Eh bien, pourquoi n'en manges-tu pas ?» Jeanne ne répondit rien. Madame Dumont demanda aussi à Jeanne pourquoi elle ne touchait pas à sa portion de tarte. Elle lui répondit en baissant la tête. « C'est que je voudrais l'emporter pour le goûter de maman et de la mère Nanette. Mon enfant, il n'y a pas de mal à cela, au contraire. Tu fais bien de partager ce que tu as de bon avec la mère Nanette, qui vient au secours de votre grande misère. Mais en voici un autre petit morceau que tu vas manger là, devant moi. » Quand Jeanne eut fini de manger, on lui fit boire un peu de vin et d'eau, et on lui donna une pièce de 50 centimes toute neuve. La petite Jeanne sauve la canne de la meunière. Comme Jeanne, en s'en retournant, passait auprès du moulin, elle vit un jeune chien qui tenait une canne par la tête. Il la secouait si fort qu'il n'aurait pas tardé à lui arracher le cou, si la petite Jeanne, qui était courageuse, n'eût frappé sur lui de toutes ses forces. Il lâcha la canne, qui resta comme morte, étendue par terre. Elle la ramassa et la mit dans son tablier pour la porter à la meunière. On fit prendre quelques gorgées de vin à la pauvre bête, et on la mit dans une corbeille pleine de plumes. Cette canne avait 18 canetons qui étaient restés au bord de l'eau. La meunière alla les chercher et en donna 2 à Jeanne en lui disant « Tiens, ma petite, voilà 2 canetons que je te donne, parce que tu as sauvé la vie à ma canne. Si tu les soignes bien, ils deviendront beaux, et tu pourras les vendre pour avoir un fichu et un tablier. Je vais aller te chercher 2 œufs pour ton souper. » La petite Jeanne mit les œufs et les canetons dans son tablier et rentra tout de suite. Elle commença par montrer à sa mère les 2 petits canards et elle raconta comment la meunière les lui avait donnés. Elle posa les œufs sur la table et tira de sa poche la pièce de 50 centimes et le morceau de tarte aux prunes qu'on avait enveloppé dans une feuille de papier. Elle répéta aussi tout ce qu'on lui avait dit chez madame Dumont. « Je vais acheter du beurre et du sel pour notre semaine avec ces 50 centimes-là, » dit Catherine. « Pas encore, » répondit la mère Nanette. « Vous travaillez aujourd'hui pour moi. Il est bien juste que je trempe votre soupe en même temps que la mienne. Et j'ai là un fromage mou qui va bien régaler la petite Jeanne. Pourtant, mère Nanette, puisque vous me logez pour rien, je vous dois mes services. Si je ne vous récompensais pas quand vous travaillez pour moi, Catherine, ce serait comme si je vous faisais payer votre loyer. Je n'entends pas ça. » Isaure va voir la petite Jeanne. Quelques jours après, Isaure dit « Maman, si nous allions voir la petite Jeanne et cette bonne mère Nanette ?»« Je le veux bien, » dit madame Dumont. Et elle se mit en route avec ses 2 filles et son fils. En entrant chez la mère Nanette, elles trouvèrent la veuve Catherine occupée à battre le beurre. Madame Dumont lui demanda où était sa petite fille. « Elle est au lit, madame. » « Est-ce qu'elle est malade ?» dit vivement Isaure en se tournant du côté du lit où l'on voyait la jolie tête de Jeanne sur le traversin. « Dieu merci, non, ma chère demoiselle. Mais j'ai nettoyé ses habits ce matin, et comme elle n'a que cela, il faut bien qu'elle reste au lit pendant qu'il sèche. Où est donc la mère Nanette ?»« Elle garde ses bêtes, mais elle ne tardera pas à rentrer. Madame, si vous voulez vous asseoir en l'attendant, vous vous reposerez. Vous n'avez que 3 chaises, mais le jeune monsieur se mettra bien sur un coffre. » En entrant, Madame Dumont avait vu du premier coup d'œil que la maison et les meubles étaient de la plus grande propreté. Elle s'assit donc sans crainte. Isor cause avec la petite Jeanne. Pendant que sa mère parlait, Isor était monté sur une chaise auprès du lit de Jeanne et causait avec elle. « Tu t'ennuies bien au lit, n'est-ce pas, petite Jeanne ?»« Oui, mademoiselle, j'aimerais mieux être levée et garder les oisons de la mère Nanette. Mais il faut bien que maman nettoie mes habits. Elle dit que c'est bien assez d'être pauvre et qu'il ne faut pas causer de répugnance aux gens qui nous soulagent. Tu vas donc tous les jours chercher ton pain ?»« Oh non, mademoiselle, quand on nous en donne beaucoup, nous restons à la maison aussi longtemps qu'il y en a. C'est si pénible d'aller aux portes. Te donne-t-on toujours quand tu demandes ?»« Mademoiselle, je ne demande rien. Je reste à la porte jusqu'à ce qu'on me donne. Quelquefois, il n'y a personne dans les maisons. Pendant que la moisson ou bien en temps de fenaison, ces jours-là, je ne trouve pas grand-chose. Et quand on ne te donne rien ? Nous nous couchons sans souper. Ça nous est arrivé plus d'une fois avant d'être chez la mère Nanette. Mais elle ne veut pas que nous souffrions la faim. Et quand nous n'avons point de pain, elle nous en prête. Vas-tu t'amuser quelquefois sur la place de l'église avec les petites du bourg ? Oh, mademoiselle, elle ne voudrait pas de moi. Tiens, pourquoi ? C'est que je cherche ma vie. Sais-tu que c'est bien mal, cela ? La mère Nanette rentra, et Madame Dumont la loua beaucoup de sa charité envers la pauvre veuve et son enfant. Isor veut donner une de ses robes à la petite Jeanne. « Mon Dieu, maman, dit Isor en retournant au château, j'ai tant de robes qui ne me servent plus. Ne pourrais-tu pas en donner une à la petite Jeanne ? J'avais le cœur gros en la voyant au lit faute de vêtements. Ma fille, tes robes seraient d'un mauvais usage pour cet enfant. Elle resterait accrochée aux épines des buissons auprès desquels il faut qu'elle passe, et la boue des mauvais chemins où elle est obligée de marcher emporterait le morceau quand elle voudrait les décrotter. Comment faire alors, chère maman, pour lui donner une robe ? N'as-tu donc plus rien dans ta bourse, mon enfant ? Oh, si, oh, si, dit vivement la petite fille. Je vais lui en acheter une. De quelle étoffe, maman ? Il faut prendre le jupon en droguet bleu. C'est fort solide. Et le corsage en bonne cotonnade doublée. Moi, dit Sophie, la sœur d'Isor, qui avait 14 ans, je donnerais une jupe de dessous en flanelle rayée, blanc et noir, et un corset de nankin. Et moi, que donnerais-je donc ? Dit Auguste. Mon frère, tu as une cravate noire qui est tranchée au milieu, dont les bouts sont tout neufs. Ma bonne en fera un bonnet à Jeanne, et tu achèteras de la dentelle noire pour le garnir. Il ne me reste plus à donner que la chemise, le fichu et le tablier, dit en souriant Madame Dumont. Quand ils furent arrivés à la maison, les enfants racontèrent à leur père ce qu'ils voulaient faire pour Jeanne. Tout cela est très bien, dit Monsieur Dumont, mais je vois que personne n'a pensé aux souliers. Vous habillez complètement cette petite et vous la laissez nu-pied. C'est pourtant vrai, dirent les enfants. Papa, il faut que vous donniez les souliers, pour que rien ne lui manque. On s'occupa le jour même d'acheter et de couper les vêtements de la petite Jeanne, afin de pouvoir les lui donner le vendredi suivant. Il n'y avait plus que 4 jours. Il ne fallait pas perdre de temps. Isor fit les ourlets, pendant que sa mère, sa sœur et la bonne faisaient les coutures. Quand tout fut fini, la bonne dit « Mesdemoiselles, vous croyez avoir pensé à tout. Il me restera pourtant quelque chose à donner aussi. Et quoique je ne sois pas riche, je veux prendre part à la bonne action que vous faites. Vous avez oublié le mouchoir et le serre-tête. J'en donnerai des miens. » Isor habille la petite Jeanne. Le vendredi, Isor s'éveilla plutôt qu'à l'ordinaire. Le cœur lui battait bien fort en pensant au plaisir qu'elle allait faire à la petite Jeanne. Longtemps avant le déjeuner, elle était à la grille que son frère lui avait ouverte, et à chaque instant elle allait sur le chemin pour voir si Jeanne arrivait. Enfin elle parut au bout de l'avenue. Isor alla au-devant d'elle et la prit par la main. Elle la mena toujours courant dans le jardin, puis dans la maison, puis dans sa chambre. Quand elles y furent entrées, Sophie et la bonne déshabillèrent l'enfant et lui mirent sa chemise neuve et le reste de ses habits. On la coiffa, mais quand il fallut lui mettre ses souliers, on s'aperçut qu'il manquait des bas. « C'est un petit malheur, dit la bonne. Mais, demoiselle, il faudra lui en tricoter. Comme il fait grand chaud, elle s'en passera bien d'ici à ce que vous lui en ayez fait. D'ailleurs, je crois bien que la pauvre petite n'en porte pas souvent. Oui, oui, dit Isor, je vais commencer dès demain à lui en faire une paire. Le voulez-vous, dites, maman ? Ajouta-t-elle en s'adressant à madame Dumont, qui venait d'entrer dans la chambre. Certainement, mon enfant. Si tu emploies bien ton temps, tu les auras finis dans 15 jours. La petite Jeanne remercia ces dames de tout son cœur. Isor la ramena sous le berceau pour la faire voir à son père et à Auguste. On la fit déjeuner, et après avoir mis la pièce de 50 centimes dans la poche de son tablier neuf, on fit un paquet de ses vieux habits. Elle le prit et s'en alla. Jeanne ne resta pas longtemps en chemin, tant elle était pressée de faire voir ses beaux habits. La mère Nanette et Catherine travaillaient à la porte de la maison. « Regardez donc, mère Nanette, dit la veuve, ne dirait-on pas que c'est Jeanne qui court là-bas ? Je le croirais presque si cette petite fille n'était pas si bien habillée. » « Et vous n'auriez pas tort, répondit la mère Nanette après avoir regardé un moment avec attention. « C'est bien elle qui vient à nous, toujours courant. Elle est si belle qu'on la prendrait pour la fille de maître Tixier, le fermier du grand bail. » Quand Jeanne fut à portée de se faire entendre, elle cria « Maman, mère Nanette !»« Oh mon Dieu, ma fille, où as-tu donc pris ces beaux habits-là »« Ce sont les dames du Mont qui les ont fait exprès pour moi, parce que mademoiselle Isor a eu du chagrin de me voir au lit le jour où vous avez lavé ma robe. Elles m'ont dit qu'il fallait mettre mes habits neufs le dimanche pour aller à la messe, et quand vous nettoierez les vieux. Et tu les mettras aussi le vendredi pour aller chez ces dames, ma fille. » Catherine laissa la petite Jeanne dans sa toilette jusqu'au soir, en lui recommandant bien de ne pas se salir, et l'enfant s'occupa tout de suite de donner à manger au canard, qui venait très bien. Jeanne s'avise de faire des bouquets pour les vendre. La veille du marché, Jeanne, tout en gardant ses oisons, remarqua de belles fleurs dans la haie du grand pré et au bord du ruisseau qui traversait le bois. Elle eut l'idée d'en faire des bouquets. Elle les entremêla avec les épis de toutes sortes d'herbes des prés, et quand ils furent faits, elle les posa pour la nuit sur une grosse touffe de gazon. Puis elle vint demander à la mère Nanette si elle voulait bien l'emmener en ville avec elle pour vendre ses bouquets. La mère Nanette lui dit que oui, et le lendemain, Catherine mit à Jeanne ses beaux habits. L'enfant trouva ses fleurs aussi fraîches que si elle venait de les cueillir. Aussitôt que la mère Nanette fut arrivée sur la place, tout le monde lui demanda où elle avait pris cette jolie petite fille. « C'est une pauvre enfant qui demande son pain, » répondit-elle. « Elle est bien belle pour demander l'aumône. » C'est que des dames charitables ont eu pitié d'elle et l'ont habillée comme ça. En regardant la petite Jeanne, on regardait ses bouquets et on les lui marchandait. « Payez-moi ce que vous voudrez, c'est pour maman qui est malade. » On lui en donnait 10 centimes. Quelques dames qui étaient venues au marché les lui payèrent 15 ou 20, tant elle la trouvait jolie et modeste. Elle vendit tous ses bouquets et rapporta 1 franc à sa mère. Depuis, elle ne manqua pas, quand il faisait beau, de faire des bouquets pour aller les vendre. On ne les lui payait pas toujours aussi cher, mais elle aimait mieux cela que d'aller aux portes. La petite Jeanne apprend à tricoter. Le vendredi suivant, Jeanne alla comme à l'ordinaire chercher les 50 centimes chez madame Dumont. Sophie lui fit voir les bas qu'elle lui tricotait et qui étaient presque finis. « Moi, je ne suis pas aussi avancée, » dit Isor. « Je n'en suis encore qu'au premier bas. C'est que je ne travaille pas aussi vite que ma sœur, parce que je suis plus petite qu'elle. « Que je voudrais donc bien en faire autant, » dit Jeanne. « Veux-tu que je t'apprenne à tricoter ?»« Je le veux bien, mademoiselle. » « Eh bien, dit madame Dumont, tu viendras tous les lundis, les mercredis et les vendredis à 2 heures. »« Oui, madame. Ces jours-là, je ne fais point de tournée, parce que maman dit qu'il ne faut pas ennuyer les gens qui nous assistent. Elle ne peut presque plus marcher, car ses jambes sont enflées, et je vais demander toute seule. »« Et comment fais-tu pour avoir un peu de bois, car il faut du feu pour faire de la soupe ?»« La mère Nanette nous laisse mettre notre pot devant son feu. Elle est si bonne !» Jeanne ne manqua pas de venir apprendre à tricoter, et Isor lui commença une jarretière. Rien n'était plus charmant à voir que ces deux petites têtes si près l'une de l'autre, et ses petites mains entrelacées. Jeanne était assise sur un tabouret, Isor à genoux derrière elle, tenait une des mains de son écolière dans chacune des siennes, pour lui apprendre à se servir de ses aiguilles. Elle passait sa tête par-dessus l'épaule de Jeanne, afin de voir comment elle s'y prenait. Madame Dumont interroge la petite Jeanne. « As-tu les mains propres ?» lui demanda Madame Dumont. « Oui, madame, je me les suis frottées dans le son que la mère Nanette a mis bouillir pour ses oignons. Maman se sert d'un petit bout de bois, bien pointu pour nettoyer mes ongles. »« Elle est donc bien propre, ta maman ?»« Oui, madame, tous les matins elle peigne ses cheveux dans l'étable, et les miens aussi. » Et quand elle allait chercher son pain avec moi, nous nous arrêtions toujours au bord du ruisseau pour nous laver les pieds. « Fais-tu habituellement ta prière, petite Jeanne ?»« Oui, madame, je la fais tous les soirs et tous les matins. Quand le temps est beau, nous la faisons dehors, et quand nous passons devant l'église, nous entrons toujours pour prier l'enfant Jésus. » « Et que lui demandes-tu dans ta prière ?»« Je le prie de me faire devenir bien grande et bien forte pour gagner notre vie, afin de ne plus demander à ceux qui ne nous doivent rien. » « Tu seras donc bien contente quand tu pourras travailler ?»« Oh oui, madame, je vous l'assure. » « Et que feras-tu de l'argent que tu gagneras quand tu seras grande ?»« Je donnerai du pain et une robe à maman. » »« Puis je donnerai aussi quelque chose à la mère Nanette, qui est si charitable pour nous. » »« Mais elle me semble fort à l'aise, la mère Nanette. » »« Madame, elle n'est pas riche, et si elle n'épargne pas autant, elle aurait bien de la peine à vivre. » Au bout de 15 jours, Jeanne sut assez bien tricoter pour faire un bas. Sophie lui en commença un, et Jeanne fut très joyeuse de faire voir à sa maman et à la mère Nanette comment elle travaillait. Quand elle gardait les oies et les deux petits canards, elle avait toujours son bas à la main. Elle ne le quittait pas non plus pour aller aux portes. Les gens qui la voyaient si travailleuse lui donnaient souvent quelque chose avec son pain, ou bien des légumes pour mettre dans le pot. Et quand on faisait de la galette dans les métairies, l'on gardait toujours la part de la petite Jeanne. Catherine garde le lit. Jeanne continua d'aller 3 fois par semaine chez Madame Dumont. Les deux demoiselles avaient entrepris de lui enseigner à lire et à compter. Elle continuait de lui apprendre à tricoter, et chaque vendredi, elle avait ses 50 centimes. Elle fut toutes 2 semaines sans venir. « Je crains bien que Jeanne ne soit malade, » dit Madame Dumont. « Elle, qui est si exacte, n'a pas paru depuis 8 jours. Maman, allons la voir. J'aime beaucoup la petite Jeanne. » Si elle était malade, il faudrait venir à son secours. Elle est trop pauvre pour se procurer ce dont elle a besoin. » Et en disant cela, Isaure courut appeler sa sœur et mettre son chapeau. En arrivant chez la mère Nanette, ces dames virent la petite Jeanne qui pleurait à la porte de la maison. Isaure courut à elle. « Tu pleures, petite Jeanne ? Qu'as-tu ? Qui t'a fait du chagrin ? Mademoiselle, c'est que maman est bien malade. » Madame Dumont laissa ses filles avec Jeanne et entra dans la maison. Catherine était au lit, si pâle qu'on l'aurait crue morte déjà. « Pourquoi ne m'avoir pas fait dire que vous étiez malade, ma pauvre femme ? Ce n'est pas bien cela. Il fallait envoyer votre petite fille nous avertir. Merci, ma chère dame, mais vous êtes si généreuse pour elle que je n'ai pas voulu abuser de votre bonté. D'ailleurs, je n'aurai bientôt plus besoin de rien, je le sens. J'ai trop pâti depuis que j'ai perdu mon mari, et j'ai eu trop de chagrin. Le bon Dieu a pitié de moi, il me rappelle à lui, et je vais rejoindre mon pauvre Jacques. Tout ce qui m'afflige, c'est de laisser ma petite Jeanne seule au monde. » « Il ne faut pas perdre courage, Catherine. Vous êtes jeune et à votre âge, il y a toujours de la ressource. » « Non, madame, il n'y a plus de ressource, parce que le chagrin et la misère me minent depuis trop longtemps. » « Avez-vous vu, monsieur le curé ?»« Oui, madame, il vient me voir tous les jours et a la bonté de m'envoyer un peu de bouillon. » Il me console en me faisant voir la miséricorde de Dieu, qui a mis sur mon chemin une aussi digne femme que la mère Nanette. Ainsi que vous, madame, qui avez tant de bonté pour ma fille. La mère Nanette promet de la garder quand je ne serai plus, et cela me tranquillise un peu. Catherine, je n'abandonnerai pas Jeanne non plus. Vous pouvez être tranquille. Mais où donc est la mère Nanette ? Elle est allée mener son bétail à l'abreuvoir. La pauvre chère femme me quitte le moins qu'elle le peut. Elle me soigne comme si j'étais sa fille et ne me laisse manquer de rien. Adieu, Catherine, prenez courage. Je reviendrai vous voir après-demain. En disant cela, Madame Dumont lui donna une pièce de 5 francs. Catherine meurt. Le surlendemain, ces dames retournèrent voir Catherine. En entrant, elles remarquèrent que les rideaux de son lit étaient fermés. Dans un coin de la chambre, la mère Nanette tenait la petite Jeanne qui s'était endormie sur ses genoux. Madame Dumont s'approcha. « C'est fini, ma chère dame, la pauvre âme est allée au bon Dieu. Elle est morte comme une sainte. Monsieur le curé, qui ne l'a pas quittée, assure qu'il y a bien longtemps qu'il n'a pas vu une mort pareille. Et qu'allez-vous faire de cet enfant ? Je vais la garder avec moi, madame. Comme je le disais hier à monsieur le curé, c'est le bon Dieu qui me l'a envoyée. Elle prendra soin de ma vieillesse, comme je vais prendre soin de son enfance. L'enverrez-vous encore mendier ? Oh non, madame, je ne suis pas riche, mais il y aura bien assez de pain ici pour nous deux. D'ailleurs, la voilà en âge de me rendre des services qui me paieront sa nourriture. Mère Nanette, il faut continuer d'envoyer Jeanne à la maison. Mes filles lui apprendront à écrire et à faire toutes sortes d'ouvrages. Je me charge de son entretien. Ainsi, vous n'aurez rien à dépenser pour elle. Que le bon Dieu vous conserve, ma chère dame. En apprenant à Jeanne à travailler, vous ferez plus que moi pour elle. Vous lui mettrez le pain à la main pour toute sa vie. Mère Nanette, voici 15 francs pour faire enterrer cette pauvre femme. Il ne faut pas que ces frais-là retombent à votre charge. » Docilité et intelligence de la petite Jeanne. Quelques jours après la mort de sa mère, Jeanne alla chez Madame Dumont. On lui mit des bas et un fichu noir pour qu'elle portât le deuil. Le dimanche suivant, Sophie l'habilla tout en noir. La pauvre enfant était bien triste. Elle pleurait toujours en pensant à sa mère. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Elle ne disait rien et ne mangeait presque pas. On la trouvait souvent à genoux, priant Dieu. La mère Nanette craignait qu'elle ne tombât malade, mais comme elle n'avait que 8 ans bien juste, elle finit par oublier un peu. Elle continua d'aller chez Madame Dumont et elle apprenait très vite tout ce qu'on lui montrait. Les deux jeunes demoiselles, en la trouvant si docile et si travailleuse, s'attachèrent à elle de plus en plus. Monsieur le curé, qui la voyait toujours sage à l'église, lui donnait de temps en temps de belles images. Quand elle sut bien lire, il lui fit cadeau d'un petit livre d'heures, ce qui la rendit fort contente. À l'âge de 12 ans, elle lisait et écrivait bien. Elle faisait toutes sortes d'ouvrages avec beaucoup d'adresse. La mère Nanette lui avait appris à filer, et déjà son fil était plus fin que celui des autres fileuses du bourg, parce qu'elle était bien attentive à ce qu'elle faisait. La petite Jeanne fait sa première communion. Il y avait déjà 1 an que Jeanne allait à l'instruction de la paroisse avec les autres enfants, quand monsieur le curé lui donna un catéchisme et une histoire sainte, pour qu'elle les apprît par cœur. Madame Dumont, qui lui en faisait réciter un chapitre tous les jours, était charmée de son intelligence et de sa mémoire. Jeanne écoutait très attentivement toutes les explications. Aussi était-elle avec Isaure, celle qui répondait le mieux au catéchisme. Et monsieur le curé les citait toutes les deux comme un exemple à suivre, tant elles avaient bonne tenue à l'église. On ne les voyait jamais ni causer ni tourner la tête au moindre bruit, comme plusieurs autres enfants. Elles priaient Dieu de si bon cœur que ceux qui les voyaient en étaient émerveillés. Quand monsieur le curé admit les enfants à faire leur première communion, il mit Jeanne et Isaure à la tête des autres petites filles, parce qu'elles étaient les plus instruites et les plus sages. Elles n'en furent pas pour cela moins modestes et moins humbles. Enfin, le grand jour arriva. Dès la veille, Madame Dumont avait retenu Jeanne, et elle l'avait même fait coucher au château, pour qu'elle eût moins de distraction que dans le bourg. Le matin, Sophie lui apporta une robe blanche et le reste de la toilette entièrement neuf, afin que, dans ce beau jour, elle n'eût rien de vieux sur elle. Elle lui dit que sa mère voulait la récompenser ainsi de sa bonne conduite. Pendant la cérémonie, qui fut très longue, Jeanne et Isaure montrèrent tant de piété que tout le monde en était édifié. Après la messe, monsieur le curé, qui avait invité toute la famille Dumont à déjeuner, voulut que Jeanne se mît aussi à table. Il disait qu'il ne pouvait pas faire trop d'honneur à une petite fille aussi pieuse. La mère Nanette était dans un coin de l'église, où elle pleurait de contentement. Il l'envoya chercher pour dîner avec sa gouvernante. La petite Jeanne va toujours chez Madame Dumont. Jeanne, après sa première communion, ne cessa pas d'aller chez Madame Dumont. Le dimanche, on la faisait écrire, lire et compter pour qu'elle n'oubliât pas ce qu'elle savait. Si l'on faisait la lessive, elle aidait à savonner le linge, à mettre au bleu, à l'étendre et à le plier. Elle repassait les draps et les serviettes et raccommodait ce qui était déchiré. Elle finit même par apprendre à repasser le linge fin. Quand il y avait quelqu'un à dîner, Jeanne aidait à la cuisinière et au domestique qui mettait le couvert, ce qui lui apprenait un peu le service. on lui payait toujours sa journée quand elle la passait au château. Comme elle cousait très bien, la mère Nanette, qui connaissait assez de monde en ville, lui rapportait de temps en temps quelque ouvrage à faire, soit des chemises ou des draps, ce qui lui faisait un petit profit. Les filles de Madame Dumont traitaient Jeanne en véritable amie, parce qu'elle était aussi réservée dans son langage que sage dans sa conduite. Elle les aimait tant qu'elle se serait jetée au feu pour leur rendre service. Elle allait très souvent chez Monsieur le curé, qui lui donnait de bons conseils, et lui faisait remarquer combien Dieu avait eu pitié d'elle, pauvre enfant sans famille. Jeanne donnait à la mère Nanette tout ce qu'elle gagnait, car elle n'avait besoin de rien acheter pour elle-même. Madame Dumont fournissait tout ce qui était nécessaire pour l'habiller. Comme elle l'avait promis à la mère Nanette après la mort de Catherine, Jeanne usait si peu de choses que Madame Dumont lui disait quelquefois « Comment fais-tu, Jeanne, pour que tes robes durent aussi longtemps ?»« Madame, je plie tous mes effets le soir, et je les mets sur mon coffre. Quand il y a trop de boue à mes jupons, j'en lave le bas, ce qui l'use bien moins que de le décrotter, et puis je le repasse. Je visite mes habits tous les matins, et aussitôt que j'y vois le moindre trou, je le raccommode. C'est très bien, Jeanne, tu as pris là une bonne habitude. C'est bien le moins que je soigne mes habits, madame, puisque c'est vous qui me les donnez. » Jeanne a grand soin de la mère Nanette. À 16 ans, Jeanne était grande et forte. Elle soignait toute seule le bétail de la mère Nanette, qui se faisait vieille. Elle pétrissait le pain et chauffait le four. Elle faisait le beurre et l'allait vendre à la ville, car elle ne voulait pas que la mère Nanette eût la moindre fatigue. Et comme Jeanne savait bien prendre son temps, elle trouvait encore le moyen de faire quelque ouvrage pour gagner un peu d'argent. « Ma chère enfant, disait-elle quand la mère Nanette la grondait de ce qu'elle voulait tout faire, vous avez eu pitié de moi quand j'étais petite. Vous m'avez soignée comme si j'eusse été votre propre enfant. Il est bien juste que j'ai toute la peine à présent que je suis plus forte que vous. » Plusieurs des personnes à qui Jeanne vendait son beurre lui avaient offert de bons gages si elle voulait servir en ville. Mais elle répondait toujours qu'elle ne se résoudrait jamais à quitter la mère Nanette. Quand elle lui racontait cela, cette excellente femme lui disait « Ma fille, si tu es jamais obligée d'aller chez les autres, crois-moi, ne te place pas en ville. On y gagne plus d'argent, c'est vrai, mais aussi on y dépense davantage, et les jeunes filles y ont bien du désagrément. » La mère Nanette dépérissait peu à peu, et Jeanne en avait beaucoup de chagrin. Elle conta sa peine à monsieur le curé, en qui elle avait grande confiance. « La croyez-vous en danger de mort ? Lui dit-il. « En ce cas, il faudrait voir le médecin. » « Oui, monsieur, elle est en grand danger, mais elle ne s'en doute pas. J'ai fait entrer l'autre jour, comme par hasard, le médecin qui était venu saigner le maréchal. Il a causé avec elle et l'a bien examinée. Quand il est sorti, je l'ai suivi sans rien dire. Il m'a assuré qu'il n'y avait rien à faire à la mère Nanette, parce que c'est un corps usé. Il dit qu'elle pourra traîner encore longtemps et qu'elle s'éteindra sans souffrir. J'irai la voir. Oh oui, monsieur le curé, il faut y venir bien souvent. Vos visites la soulageront, plus que celles d'un médecin. Vous lui parlerez du bon Dieu, et elle sera toute prête quand il lui plaira de l'appeler à lui. » La mère Nanette devient dangereusement malade. Au bout de 18 mois, la mère Nanette était devenue si faible qu'elle ne sortait plus de la maison. Comme elle ne se plaignait de rien, Jeanne ne lui disait pas combien elle la trouvait malade, de peur de l'effrayer. Mais quand elle allait voir Madame Dumont, elle pleurait à chaudes larmes, en disant qu'elle voyait bien que sa chère mère Nanette ne passerait pas l'hiver. « Ne te désole pas trop, ma petite Jeanne, nous ne t'abandonnerons pas, lui disait Isor. « Je le sais bien, mademoiselle, et je vous en remercie de tout mon cœur. Mais ce n'est pas parce que je vais me trouver toute seule que je pleure. Grâce à Dieu, je suis forte, et grâce à vous aussi, je saurais bien gagner ma vie. Je me désole parce que j'aime la mère Nanette de toute mon âme. Et puis, qui donc m'aimera jamais comme elle ? Qui m'a prise toute petite et m'a accoutumée au travail, puis m'a appris à aimer Dieu, et de qui j'ai toujours reçu de si bons exemples. » Jeanne soignait sa malade avec une extrême tendresse. Elle trouvait le moyen de lui faire venir un petit pain blanc tous les 2 jours, quand elle allait à la ville vendre son beurre. Elle leur apportait de la viande et quelques friandises. Quelquefois, elle achetait un poulet ou bien un canard dans le bourg, et elle les accommodait comme elle avait vu faire à la cuisinière de Madame Dumont. Elle allait aussi au moulin chercher un peu de poisson. D'autres fois, elle lui donnait une petite crème, et quand elle chauffait le four, elle lui faisait toujours cuire quelques bonnes pâtisseries. Enfin, elle ne lui laissait boire que du bon vin, qu'elle sucrait un peu. La mère Nanette trouve que Jeanne dépense trop. La mère Nanette la laissait faire. Pourtant, elle lui disait quelquefois « Tu me grattes, petite Jeanne, tu dépenses trop d'argent, ma fille. Cela n'est pas raisonnable. » « Eh bien donc, répondait Jeanne, n'avez-vous pas assez travaillé quand vous étiez jeune, et n'est-il pas juste que vous jouissiez à présent de quelques douceurs ?»« Mais écoute donc, petite, si tu dépenses tout, tu te feras tort, car c'est toi qui hériteras de ce que je laisserai, entends-tu ?»« c'est bon, ma chère mère, ne vous inquiétez pas de cela. Laissez-moi faire, j'en aurai toujours bien assez. N'ai-je pas de bons bras pour travailler ? Et d'ailleurs, ne faut-il pas que vous engraissiez un peu pour les faire la veillée cet hiver avec les voisines ?» « Eh bien, ma fille, j'entends que tu manges de toutes les bonnes fricassées que tu me fais. Merci, mère Nanette. Ne serait-il pas honteux qu'il fallût des fricassées à une grande fille comme moi ?» Monsieur le curé vient voir tous les jours la mère Nanette. Monsieur le curé ne manquait pas de venir chaque jour voir la mère Nanette. Comme c'était une femme de grand sens, il parlait avec elle de la bonté et de la miséricorde de Dieu, et la préparait à mourir sans qu'elle s'en doutât. Il la confessait souvent et lui apportait la sainte communion, afin qu'elle fût toujours en état de grâce. Il lui faisait entendre aussi que l'église était trop froide pour elle et qu'il ne voulait pas qu'elle y entrât avant Pâques. On était à la fin de l'automne. La mère Nanette baissait de plus en plus, et bientôt elle ne quitta plus le lit. Jeanne la mettait chaque matin dans le sien propre afin de faire prendre l'air à l'autre, qu'elle exposait dehors si le temps le permettait. Le lit de Jeanne était encore meilleur que celui de la mère Nanette, qui pendant 8 ans n'avait pas vendu la plume de ses oies, pour amasser le lit complet de sa fille adoptive. La malade retrouvait le soir son coucher tout frais, et elle dormait mieux la nuit. La mère Nanette s'éteint tout à fait. Un jour du mois de décembre, le soleil ayant percé les nuages, Jeanne mena le bétail à l'abreuvoir. En revenant, elle fit le grand tour par la pelouse. Ses bêtes, qui ne sortaient pas depuis longtemps, étaient bien contentes de se trouver dehors. Et Jeanne se pressait d'autant moins de les ramener à l'étable, que la mère Nanette semblait mieux ce jour-là. En rentrant, elle alla tout droit au lit de la malade, qu'elle trouva endormie et encore plus pâle que de coutume. Elle ralluma le feu tout doucement pour lui faire chauffer un bouillon. Quand il fut chaud, elle le mit dans un gobelet et le porta à sa chère mère. Mais en lui soulevant la tête pour la faire boire, elle la sentit toute froide. Elle courut à la porte appeler de secours. Deux voisines entrèrent et virent bien que tout était fini pour la mère Nanette. Elles voulurent emmener Jeanne en disant qu'elle se chargerait de faire la veillée. Mais elle leur dit en pleurant à chaudes larmes qu'elle ne voulait pas quitter sa chère mère Nanette avant qu'on l'eût portée en terre. L'une des voisines alla faire la déclaration pendant que l'autre aidait Jeanne et lui tenait compagnie auprès du lit de la morte. Désintéressement de Jeanne. Le maire entra et demanda à Jeanne si la défunte avait fait un testament pour lui donner son bien, car elle avait toujours dit que sa fille adoptive serait son héritière. « Non, monsieur le maire, dit Jeanne, si elle avait fait quelque chose pour moi, elle me l'aurait bien dit. » Mais elle ne se croyait peut-être pas si près de sa fin. « Vous ne lui avez donc pas rappelé ce qu'elle devait faire pour vous ?»« Non vraiment, monsieur le maire, j'en aurais été bien fâché. Si la pauvre femme s'était crue en danger, cette idée l'aurait peut-être fait mourir plus tôt. Elle n'a pas eu un seul instant la pensée que tout serait bientôt fini pour elle. Et pour tout l'or du monde, je ne lui aurais pas dit. » « D'ailleurs, je suis jeune et je peux travailler. Il est juste que son neveu hérite, il faudra l'avertir. Je vais lui envoyer un express, dit le maire, et il sortit. » Jeanne se mit à genoux au pied du lit et lut les prières des morts. De temps en temps, elle se levait pour embrasser la défunte, puis elle continuait ses prières en pleurant. Elle fit la veillée du corps en compagnie des deux bonnes voisines qui ne voulurent pas la quitter. On enterre la mère Nanette. Comme la mère Nanette avait été une honnête femme, bien obligeante, tout le monde du bourg jusqu'aux petits-enfants vint le lendemain matin la voir sur son lit de mort et lui apporter des bouquets d'herbes fortes. Quoique Jeanne pleurât toujours, elle présentait le buis à tous ceux qui voulaient jeter de l'eau bénite sur le corps. Vers midi, le charpentier apporta la bière, et Jeanne, aidée de ses deux voisines, y plaça le corps après l'avoir embrassé une dernière fois. Pendant qu'on clouait le couvercle, la pauvre fille criait sans pouvoir se retenir. On mit la bière devant la porte. Alors le maire entra avec maître Gerbaud, neveu et héritier de la défunte. Et la maison s'emplit de monde. Jeanne, la tête enfoncée dans sa capote, pleurait dans un coin. Monsieur le curé vint avec la croix, et l'on partit pour l'église. La pauvre fille n'aurait pas pu suivre l'enterrement si les voisines ne l'eussent soutenue. Après la cérémonie, on la ramena dans la maison où le maire et Gerbaud étaient déjà rendus. Monsieur le curé ne tarda pas à les y rejoindre. « Maître Gerbaud, dit-il, cette fille a son lit et son coffre. Tout le monde le sait. Vous les lui laisserez bien emporter. » Elle a aussi 8 draps tout neufs dans l'armoire de la défunte, dit une des voisines. Je les lui ai vus faire et marquer à son nom. La mère Nanette avait l'argent de Jeanne, ajoute monsieur le curé. La pauvre femme m'a souvent dit qu'elle la ferait son héritière. Mais comme elle n'a pas laissé de testament, vous usez de votre droit, c'est juste. Monsieur le curé, dit Gerbaud, je ne veux rien prendre à cette fille. Qu'elle me dise combien d'argent elle a remis à ma tante, et je le lui rendrai tout de suite avec ses draps. Voyons, Jeanne, dit le maire, quelle somme avez-vous confiée à la mère Nanette ? Monsieur, je serais bien en peine de le dire. À mesure que je gagnais quelque chose, je le donnais à ma chère mère, et je ne lui ai pas demandé de compte, bien sûrement. Maître Gerbaud, vous pouvez tout garder. La pauvre femme a bien assez fait pour moi, sans que je réclame encore quelque chose. D'ailleurs, j'ai la force de travailler, et je ne crains pas l'ouvrage. Maître Gerbaud se pique de générosité. Monsieur le curé dit que Jeanne agissait et parlait en honnête fille, et que Gerbaud ne voudrait certainement pas qu'elle fût dupe de sa probité. « Non, monsieur le curé, elle ne sera pas dupe avec moi. Ils disent tous qu'elle a soigné ma pauvre tante aussi bien que c'eût été sa propre fille. Et pour lui prouver que je lui en sais bon gré, nous partagerons par moitié l'argent qui se trouvera. Qu'en dites-vous, est-ce bien comme ça ? Oui, Gerbaud, c'est bien. » On ouvrit l'armoire et l'on tira d'abord les 8 draps de Jeanne qui étaient marqués à son nom. En bouleversant tout, on trouva derrière un paquet de vieux linge 100 pièces de 5 francs, dans un bas bleu, qui servait de bourse à la mère Nanette. « Je crois, dit Gerbaud, qu'il y a longtemps que le premier écu a été mis au fond de cette bourse, car ma tante avait bien juste de quoi vivre. » « Mais elle était si ménagère, dit une voisine, et elle travaillait tant. » Gerbaud prit 250 francs qu'il donna à Jeanne. « Non, maître Gerbaud, pas tant que ça. Je n'ai pas pu gagner une si grosse somme. Petite, j'ai dit que tu aurais la moitié de l'argent, et je n'ai qu'une parole. Ainsi tu vas prendre cette somme, et comme c'est toi qui as filé 7 pièces de toile, qui n'est pas encore entamée, tu en auras la moitié pour ta peine. Tu t'en feras des chemises. » « Vous êtes trop bon, dit Jeanne, pour une pauvre fille que vous ne connaissez seulement pas. Je ne suis pas plus mauvais qu'un autre, quoique ma tante m'ait gardé rancune, parce qu'autrefois j'ai eu noise avec son mari. « Et où vas-tu donc mettre tout ça ? Dit une voisine. « Ton coffre est trop petit. Puis il est si vieux qu'il pourrait bien se défoncer. « Allons, je vais aussi lui donner l'armoire, et je ne serai pas plus pauvre. « Au contraire, Gerbaud, dit monsieur le curé, vous faites là une bonne action qui vous donnera plus de contentement que vous n'en auriez eu en gardant tout ce que vous cédez si généreusement à Jeanne. » Tout le monde dit que Gerbaud était un brave homme et qu'il se comportait bien. « Écoute, Jeanne, dit-il avant de partir, je n'affermerai pas la maison avant Noël. Tu peux y rester jusque-là si ça t'arrange. Je te laisse tout le ménage avec la chèvre et les oisons. Je vais emmener la vache seulement. Je viendrai après-demain avec ma femme, qui choisira ce qu'elle veut garder, et nous vendrons le reste. » Après avoir dit cela, il mit dans sa poche l'argent qui lui appartenait et alla chercher la vache à l'étable. Tout le monde sortit en même temps que lui, à l'exception de monsieur le curé, qui resta avec Jeanne. Monsieur le curé trouve une place à Jeanne. « Qu'allez-vous faire maintenant, Jeanne ? Dit monsieur le curé. « Je vais tâcher de me placer au plus vite, car si je restais longtemps seul dans cette maison, je sens bien que le chagrin me rendrait malade. » « Voyons, Jeanne, il faut être raisonnable. La mère Nanette est plus heureuse que nous maintenant. Elle veillera sur vous. Dieu ne veut pas qu'on s'abandonne ainsi à son chagrin. Si vous voulez vous placer en ville, mesdames Dumont vous trouveront une bonne maison où vous aurez de forts gages. Monsieur le curé, je ne me placerai pas en ville. Ma chère défunte me l'a défendu. Et quoiqu'elle ne soit plus de ce monde, je veux toujours lui obéir. puisque vous voulez rester à la campagne, j'irai voir la fermière du grand bail. Sa servante se marie dans 3 semaines. Si elle n'a personne encore, je vous y mènerai demain. Grand merci, monsieur le curé. Ce sont de braves gens, et je serai bien contente d'être chez eux. » Quand Jeanne fut toute seule, elle soigna la chèvre et les oies, comme à l'ordinaire. Elle remit dans l'armoire tout ce qu'on en avait tiré. Puis elle courut chez madame Dumont. Elle leur dit tout en pleurant qu'on devait parler pour elle à la mère Tixier, fermière du grand bail. « Elle te prendra bien, ma bonne Jeanne, » dit Sophie, qui était mariée depuis 2 ans. « Elle nous a souvent entendu parler de toi, et elle sera bien heureuse de t'avoir dans sa maison, où tu seras comme de la famille. Console-toi donc un peu. Est-ce que nous ne te restons pas? Sans vous, qu'est-ce que je deviendrai donc? Ainsi je vous serai reconnaissante toute ma vie. » Le lendemain, monsieur le curé mena Jeanne au grand bail, comme il l'avait promis. La maîtresse l'accepta tout de suite à cause de sa bonne renommée. Elle lui offrit 10 écus jusqu'à la Saint-Jean. « Mère Tixier, vous ne pouvez pas donner moins de 12 écus à cette fille. Elle les gagnera bien, je vous le promets. »« Je ne vous contredirai pas, monsieur le curé. Elle aura 12 écus. »« Quand viendras-tu, petite Jeanne ?»« Maître Gerbeau arrive demain matin pour vendre les effets de sa tante. Je voudrais bien ne pas me trouver là, j'en aurais trop de chagrin. » Si vous pouvez m'envoyer chercher avant midi, je serai bien contente. J'ai mon lit, mon coffre et l'armoire de la mère Nanette. Pouvez-vous me les loger? Oui, il n'y a pas de lit dans la boulangerie. On y mettra le tien, et tu y seras toute seule, à moins pourtant que tu ne prennes avec toi l'une de mes 3 filles, qui couchent dans un même lit et se disputent souvent. Je le veux bien, maîtresse. Vous donnerez avec moi celle que vous voudrez. Jeanne quitte la maison de la mère Nanette. Dès le matin du jour suivant, Gerbeau amena sa faille dans une carriole d'osier. Le meunier le suivait avec une grande voiture pour emporter le blé, le vin et tout le reste. Alors on vida l'armoire, et la femme de Gerbeau mit de côté ce qu'elle voulait garder. On s'occupa de charger la grande voiture. Jeanne était sortie pendant qu'on déménageait pour ne pas montrer son chagrin à des étrangers, ne pouvant supporter le séjour de cette maison depuis qu'elle n'y voyait plus la mère Nanette. Elle aperçut de loin venir la charrette du grand bail, et comme ses paquets étaient faits d'avance, elle les apporta devant la porte. Ses rideaux étaient démontés et pliés bien proprement. Le charretier, qui était grand et fort, chargea tout seul les meubles de Jeanne. Elle dit adieu à maître Gerbeau et à sa femme après les avoir bien remerciés. Embrassa aussi ses voisines, qui s'était rassemblée devant la porte pour la voir partir, et enfin monta dans la charrette. Quand elle quitta le bourg et qu'elle vit disparaître au détour du chemin la maison de la mère Nanette, elle ne put s'empêcher de pleurer bien fort. « Est-ce que tu es fâchée de venir chez nous, petite ?» dit le charretier. « Mais Dieu non, ce n'est pas là ce qui me fait pleurer, c'est que je pense à la mère Nanette, qui m'aimait tant. Apaise-toi donc, va, la maîtresse est une bonne femme qui t'aimera bien aussi. » Quand la charrette arriva au grand bail, les pâtres et les bergères étaient rangés devant la maison pour voir descendre Jeanne. Le charretier, qu'on appelait Grand Louis, déchargea les meubles à la porte de la boulangerie. On aida à monter le ciel du lit. Puis, quand tout fut rangé, chacun s'en alla à son ouvrage. Et Jeanne entra dans la maison, où elle trouva maître Tixier tout seul avec sa femme.